l'histoire d'un petit gars qui marche un peu comme ça. Il a un peu trop d'amis, mais ne s'en soucie pas. C'est l'histoire d'un petit gars qui est juste heureux d'être là. À l'école d'Anatole, il fait beau tous les jours et tous les jours on rigole sauf Anatole. Dans ce pays, pas d'ennui. Après la classe, les conneries. Dans la maison d'en bas, les garnements gentils. Faites si protéris, laissez ça y aller la vie. À l'école d'Anatole, il fait beau tous les jours et tous les jours on rigole sauf Anatole. Il a bien changé depuis l'été dernier. Un soir d'anniversaire, un cœur s'est arrêté. La vie a bien changé depuis l'été dernier. Un jour d'anniversaire, un cœur s'est arrêté. Ouais, sa sœur l'a quitté. Porte de rire asphyxié. À l'école tous les jours, Anatole attend son tour. Et si parfois on rigole, Anatole sourit et pleure. Cette sœur perdue, cette jumelle qui le tue.